Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Dès son plus jeune âge, Lucie, un prénom qui signifie lumière, comprend que l'on fait parfois des choix, par facilité, par raison, par convention, qui peut faire passer à côté du roman d'aventure que la vie pourrait être. Elle choisit alors de laisser agir la puissance de ses rêves et de les confronter à la réalité. À 19 ans, elle effectue son premier voyage en Inde. C'est durant ce parcours jalonné de rencontres, plein d'émotions et d'humanité, qu'elle conforte sa philosophie de vie. Être heureuse est le plus difficile des paris, mais c'est aussi le mieux récompensé, car c'est celui qui apporte le plus de bonheur et de liberté à soi et aux autres. Tu es dans mon salon aujourd'hui, Lucie, tu as fait la route pour venir jusqu'ici à Colmar, merci à toi. Si tu devais te présenter, qui est Lucie ? Alors, Lucie est une jeune fille, toujours pleine de rêves et d'énergie, enfin j'espère, et une fille voilà, qui cherche à réaliser ses rêves, quel que soit le biais par lequel elle les réalise et quelle que soit la forme qu'ils prennent. Donc avant de découvrir tes rêves, j'ai envie de savoir comment est-ce que tu es arrivée sur le festival du Grand Bivouac, donc qui est un festival dédié à la thématique du voyage. Ben par un rêve justement, le rêve de partir. Quand je suis partie en Inde, j'avais 19 ans et je suis restée là-bas pendant 5 mois. Et quand je suis revenue de ce voyage qui a été une expérience quand même très forte, j'ai eu envie en fait de transmettre ce qui s'était passé, de transmettre toute cette expérience. Et du coup, j'ai eu l'idée d'écrire un livre à propos du voyage. Et du coup, j'ai rencontré des personnes qui, peu à peu, m'ont fait un peu faire un autre chemin initiatique une fois rentrée en France jusqu'à l'édition du livre. Et donc, au Grand Bivouac, bah voilà, c'était la grande concrétisation. Je présentais mon livre sur le stand des éditions Livres du Monde. Donc, tu pars à 19 ans en Inde et tu accouches de ton premier ouvrage à l'âge de 22 ? Non, même pas. C'était 21 ans. Et il a été édité, effectivement, quand j'avais 22 ans, après de longues discussions et un petit retravail sur le manuscrit. Comment ça se fait qu'à 19 ans, tu te diriges vers l'Inde ? Ça peut être éprouvant quand on est déjà une femme, seule, jeune et jolie, en Inde. Pourquoi ? Comment tu as choisi ta destination ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Comment est-ce que tu as préparé ce voyage ? Et quelle est ton histoire avec le voyage avant ce départ ? Est-ce que dans ta famille, vous étiez déjà des voyageurs ? Ou parle-moi de ta rencontre et un petit peu ce qui t'a amené sur cet univers-là, sur ce chemin-là. Alors, il y a beaucoup de choses. Déjà, dans ma famille, on n'était pas spécialement voyageurs, mais c'est vrai qu'on aimait bien découvrir d'autres cultures, etc. Donc, j'avais déjà un petit peu le virus du voyage qui s'est surtout déclenché quand je suis partie à 13 ans pour faire une mission humanitaire au Burkina Faso. Je suis partie toute seule, enfin sans ma famille. J'ai gagné un concours en fait organisé par des grandes surfaces. Et du coup, je suis partie avec d'autres jeunes de mon âge qui avaient entre 11 et 13 ans. Et on est allé apporter des fournitures scolaires en fait à des enfants dans la brousse africaine. Donc, forcément, une grosse, grosse expérience de vie, une grosse, grosse leçon. Et je pense que quand on a 13 ans et qu'on vit tout ça, on n'en ressort vraiment pas indemne. Donc, ce virus du voyage, du coup, il s'est vraiment implanté en moi à ce moment-là et a continué de germer, jusqu'à ce que j'obtienne mon bac. Et que j'attende un petit peu pour savoir exactement ce que je voulais faire, etc. Et puis un an après, je me suis dit, bon, bah maintenant, c'est bon, mon grand voyage, ma grande aventure, il faut que je la fasse. Et il faut que je la fasse seule, parce que je voulais découvrir vraiment quelle était ma manière de voyager et quelles étaient mes ressources à moi, comment je fonctionnais en voyage. C'était vraiment quelque chose d'initiatique, en fait, l'idée de base. Alors par contre, comment j'ai choisi l'Inde, c'est assez rigolo parce que je l'ai choisi totalement par hasard. En fait, je me disais, bon, bah voilà, ce qui doit se passer se passera, je serai mise où je dois être et j'irai où le vent me guidera. Et du coup, je me suis dit, bon, bah le prochain pays dont j'entends parler, ce sera le pays où je devrais aller. Et le prochain pays, c'était l'Inde. Aussi simplement que ça. Aussi simplement que ça. Tu t'es pas après interrogé sur est-ce que l'Inde, comme premier voyage, ça va le faire ou pas ? Est-ce que t'as peut-être cherché d'autres destinations, peut-être un peu plus accessibles, un peu moins trash, un peu moins dur pour commencer ? Non, pas du tout. T'as entendu parler de l'Inde, allez, zou, visa, 6 mois, c'est parti. C'est ça, exactement. Je me suis dit, mon idée, c'était de partir vraiment sur l'idée du hasard et du fait que, justement, le hasard n'existe pas sous cette forme. C'est plutôt des coïncidences qui créent nos destins. Donc, je me suis dit, bon, bah, si c'est l'Inde, c'est que ça doit être l'Inde et c'est comme ça et j'y couperai pas. Et j'ai en plus poussé la démarche jusqu'au bout parce que j'ai décidé de pas me renseigner trop sur le pays avant de partir. J'avais déjà bien sûr des échos de ce qu'était l'Inde, etc. Mais je voulais en fait me couper de toute connaissance pour pouvoir y aller vraiment avec une... En fait, comme un nouveau-né qui viendrait au monde et qui découvrirait la vie et qui ferait ses apprentissages par lui-même et qui, voilà, qui grandirait en faisant son voyage. Je voulais pas avoir de connaissances qui me mettraient des références trop nettes en tête et dont je pourrais plus me détacher en fait en voyage. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde d'ailleurs. Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Avant de m'intéresser à ce que tu y as fait pendant ces 6 mois, c'est plutôt le contexte dans lequel tu es parti, ta famille, le regard des gens par rapport à cette jeune femme de 19 ans qui va partir seule en Inde. Les personnes qui étaient en France. Alors ce qui s'est passé, c'est que déjà au niveau de ma famille, ils savaient depuis des années que de toute façon je partirais un jour. Donc ils n'ont pas essayé de m'empêcher parce que voilà, ils avaient compris que c'était pas la peine. Donc j'ai eu de la chance à ce niveau-là parce que ça n'a pas été trop difficile. Par contre, mes grands-parents, par exemple, ont eu très très très très peur parce que voilà, l'Inde, c'est pas un pays qui est facile non plus pour une jeune femme. Et en même temps, je voulais pas partir en étant habitée par la peur et je voulais pas partir non plus avec naïveté. Beaucoup de gens me disaient « Oui, mais tu vis dans un monde de bisounours, etc. » Je pense que beaucoup de jeunes filles qui partent en voyage entendent ce genre de discours. Et en réalité, on n'est pas forcément si bisounours que ça. C'est pas parce qu'on a envie d'aller vers les gens, etc., qu'on ne sait pas non plus mettre des protections en place et être consciente de nos propres faiblesses, entre guillemets, et de ce qu'on véhicule. Donc je pense que la première des protections par rapport à ce genre de problématiques-là, c'est non seulement l'intuition, développer son intuition pour pouvoir saisir dans quelle situation je suis potentiellement en danger ou pas, et puis être consciente voilà, de son image, de ce qu'on fait, de ce qu'on représente, des regards qu'on adresse aux gens, de la manière dont on les adresse, etc., et contrôler un petit peu cette image-là pour éviter au maximum les dangers, en fait. Et puis la dernière chose, c'est surtout d'éviter la peur, parce que je sais que c'est ce qu'il y a finalement de plus difficile, mais plus on a peur, plus on a une attitude qui est déjà vulnérable en tant que telle. Alors que moins on a peur, plus on va avoir une attitude sûre de soi et plus les gens finalement qui vont nous voir vont moins nous considérer comme une victime potentielle puisqu'ils vont se dire bah, pff, si elle est sûre d'elle comme ça, elle doit être certainement accompagnée, elle sait où elle va, etc. Donc je sais que c'est, voilà, c'est pas facile d'éliminer la peur, mais c'était aussi ça mon travail à travers le voyage, c'était de me dire bah voilà, je suis une jeune fille seule qui part à 19 ans en Inde, ma responsabilité ça va être de montrer que ça peut bien se passer si on met en place ce qu'il faut avant. Donc ça, tu avais bien conscience de tout ça à ton départ. Oui. Ton travail sur les peurs, tu le savais. Oui, oui, oui, tout à fait. Et j'ai essayé de faire un travail là-dessus aussi avant. J'ai su que je partirais en Inde peut-être 3 à 4 mois avant. Et effectivement, pendant 3 à 4 mois, je me suis attachée à travailler là-dessus. Qu'est-ce que tu es partie faire en Inde ? Est-ce que tu avais un projet ou c'était simplement vraiment vivre ? Tu parlais d'enfant, hein, renaître et redécouvrir complètement d'autres manières de vivre, de penser, d'autres fonctionnements, d'autres odeurs, d'autres couleurs, d'autres saveurs. C'était ça ton projet ou il y avait autre chose ? Parce que tu me parlais aussi d'un projet d'écriture. Alors il y avait plusieurs choses. Déjà c'était effectivement le but de base, c'était partir et découvrir le monde. Donc c'est ce que j'ai fait. Après, je savais aussi que je voulais avoir quand même une petite partie qui soit un peu plus organisée pendant le voyage. Donc au-delà des rencontres qui se feraient naturellement, j'ai prévu aussi une période de 3 mois dans un orphelinat pour faire un bénévolat où j'enseignais l'anglais en fait à des enfants des rues. Et c'est aussi des rencontres qui ont été faites avec énormément de naturel, même si c'était plus planifié, etc. Les rencontres ont été tout aussi riches. Et puis effectivement, derrière ça, il y avait aussi le projet d'écrire. Alors pas forcément, quand je suis partie, j'avais pas forcément nettement l'idée d'écrire un livre. Et très vite, en fait, en tenant mon journal de bord, je me suis aperçue qu'il faudrait... pour moi, c'était important qu'ils prennent la consistance d'un livre pour rendre aussi hommage aux personnes qui ont peuplé, en fait, mon histoire, qui ont créé cette histoire. Mais c'est toute une aventure aussi, ça, d'écrire un bouquin, de remettre ses émotions sur des pages de papier et de trouver quelqu'un intéressé par ce projet qui soit prêt à le publier. Oui, c'est toute une aventure et justement c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était un petit peu un deuxième voyage initiatique puisque de retour en France, il a fallu déjà que je trouve un appartement, que je trouve un travail pour pouvoir vivre et que je m'adapte de nouveau à la société française, ce qui n'était pas facile. Donc écrire le livre déjà m'a permis de faire ce travail-là, de faire le travail de réadaptation et d'intégrer en fait toutes les expériences qui avaient eu lieu en Inde pour mieux les accepter, mieux les vivre en France et mieux m'adapter de nouveau à la société française. Donc ça a été tout un cheminement comme ça, et puis une fois que le livre a été fini, je me suis dit bon bah maintenant il va falloir que je trouve un éditeur, et là ça va être la partie un peu compliquée, puisqu'on sait que pour les jeunes auteurs qui publient leur premier livre, c'est très compliqué de trouver un éditeur. Et en fait, je me dis que j'ai peut-être une bonne étoile quand même quelque part, effectivement, puisque j'ai eu de la chance, j'ai rencontré les bonnes personnes, donc j'ai participé au Grand Bivouac il y a 2 ans maintenant, et là-bas, en fait, un anthropologue qui s'appelle Franck Michel a vu ma conférence et m'a demandé si je pouvais écrire pour lui des articles, et je lui ai dit « Ah, mais je fais pas que écrire des articles, j'ai écrit un livre !» Et du coup, je lui ai montré mon livre et il a décidé de le soumettre à son éditeur qui a accepté de le publier. Donc vraiment, le petit coup du sort, quoi, le petit destin. Ton bouquin, comment il s'appelle? Parce que là, tu nous donnes envie. Donc, dis-moi le titre et comment le trouver. Alors, le premier livre, parce que j'en ai publié 2, en fait. Le premier livre s'appelle « Le Paris, l'Inde au cœur ». Il est disponible aux éditions Livres du Monde. C'est un livre qui est vraiment axé autour du voyage initiatique. Donc, il y a avant le voyage, après le voyage, pourquoi partir, etc. On trouve aussi la société indienne dedans, mais par bribes, par petites anecdotes. Et c'est pas le point central, en fait, du livre. C'est vraiment, le point central, c'est vraiment le développement de soi. Par contre, le deuxième, il s'appelle Varsha, son combat. Et celui-là, il est disponible pour l'instant seulement en version numérique sur Kindle. Et lui est beaucoup plus axé autour de la société indienne. Donc j'apparais absolument pas dans ce deuxième livre. C'est l'histoire en fait réelle de l'ami qui m'a hébergé, que je connaissais pas avant de partir, mais que j'ai rencontré pendant le voyage, qui m'a hébergé pendant au final 2 mois quand j'étais là-bas, qui avait quasiment mon âge et qui avait une histoire de vie très très très marquante et à laquelle je me suis un peu identifiée aussi finalement. Donc elle m'a demandé d'écrire ce deuxième livre pour elle en fait. Et un mot que tu as utilisé plusieurs fois depuis le début de notre entretien, c'est le mot « voyage initiatique ». Qu'est-ce que c'est qu'un voyage initiatique ? Alors c'est assez rigolo parce qu'à la base je voulais pas utiliser ce terme, parce que je me disais oui mais c'est pareil, ça nous remet dans des cases, etc. Le voyage doit être un voyage initiatique, moi c'est pas ça que je veux, etc. Et puis finalement je me suis aperçue que c'en était un quand même, dans le sens où pour moi, ma définition personnelle du voyage initiatique, c'est le voyage que même le sage peut faire seul de chez lui finalement, c'est le voyage où on le mène à la rencontre des gens, à la rencontre des paysages, à la rencontre des énergies qui peuplent les différents endroits et où il grandit à travers ça. Un autre point qui m'intéresse, tu dis quand t'es revenu en France, il y a toute cette phase de réadaptation. Se réadapter à quoi ? Se réadapter, alors, à beaucoup de choses. déjà au fait de retrouver ses proches qui n'ont pas forcément vécu non plus les mêmes choses que soi, donc c'est difficile des fois de faire comprendre ce qui s'est passé, comprendre avec quelles émotions on est empli quand on revient. Est-ce qu'on y arrive, ça, à partager un voyage aussi fort ? Parce que là, on parle d'immersion, de 6 mois, avec comme objectif, dans un premier temps, de s'occuper des enfants des rues, dans un pays, dans une langue, dans une réalité radicalement différente de la nôtre. Est-ce que tu as eu l'impression qu'on peut partager ça avec les gens qui n'ont pas vécu ça, ou qui l'ont peut-être simplement vécu à travers un reportage vu à la télévision ? Alors, je pense qu'ils ne pourront jamais ressentir ce que nous, on a ressenti, parce que de toute façon, même s'ils avaient vécu la même expérience, ils ne le ressentiraient pas de la même manière. Donc déjà, tout le monde est tellement différent que faire ressentir ses émotions, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Ensuite, il y a différentes manières de le faire malgré tout. Effectivement, ça va être des gens qui vont réaliser des films, ça va être l'écriture des livres, mais malgré tout, ça va à chaque fois emmener le lecteur ou le spectateur à la rencontre de son propre paysage émotionnel par rapport à ça. Et c'est ça qui est beau aussi, quelque part, on partage nos émotions, mais elles resteront les nôtres, et on en créera de nouvelles chez les gens avec lesquels on partage. Thank you. d'abord de l'adaptation avant de nous parler de la réadaptation. De l'adaptation du coup en Inde. C'est assez paradoxal, l'adaptation en Inde n'a pas été si compliquée que ça. J'ai eu des petits coups de frayeur effectivement quand même au tout début où je me disais mais je me sens seule, est-ce que je vais y arriver, etc. Mais comme tout le monde finalement, on a toujours le doute je pense quand on commence à voyager. Et très vite, je me suis sentie accompagnée non seulement par les gens sur place, et aussi par l'esprit des aventuriers qui avaient voyagé comme moi avant et qui vont voyager après, etc. Donc l'adaptation n'a pas été si difficile, ça a plutôt été au niveau de la condition de la femme où ça a été un peu plus compliqué. Par exemple, quand je suis arrivée à l'orphelinat, je me souviens que... Donc juste avant, j'avais fait une période d'un mois dans une famille hindoue qui était très tolérante et très ouverte et où je m'habillais... Donc dès le départ, j'avais fait l'effort de m'habiller à l'indienne. Et dans la famille hindoue, ça, c'était tout à fait accepté, il n'y avait pas de souci. Et quand je suis arrivée à l'orphelinat, j'étais persuadée que j'étais habillée comme il fallait. Et en fait, le fait que les tuniques soient des tuniques qui sont taillées pour des indiennes normales, donc ni trop moulantes, ni trop larges, ça posait déjà problème. Parce que le fait que je sois une jeune femme blanche, c'était déjà une indécence trop forte en soi. Comme j'étais dans un orphelinat pour garçons uniquement, ça compliquait beaucoup les choses. Et donc les gens m'ont demandé de me vêtir encore plus, de mettre des châles encore plus épais, de mettre des vêtements les plus amples possibles. Et à la fin, j'en pouvais plus, effectivement. Et au bout de 3 semaines, finalement, ça s'est arrêté quand ils ont vu qu'il n'y avait aucune ambiguïté qui s'instaurait avec les garçons et que tout se passait très bien. J'ai pu un petit peu enlever les 36 000 couches supplémentaires que j'avais dû mettre. La réadaptation, ici, en France. Alors la réadaptation, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait d'écrire le livre m'a beaucoup aidée. Donc j'ai cherché un appartement déjà, j'ai cherché du travail, etc. Et tout ça m'a permis de me créer un tout petit nid douillet pour écrire mon livre et revivre un petit peu l'expérience et en même temps la confronter avec ce qui s'était passé, avec ce que je vivais à présent en France, quoi. Il y a eu plusieurs petites expériences aussi qui m'ont montré qu'au final c'était le mélange des deux qui était beau, c'était le mélange de ce que j'avais vécu et de ce que j'allais vivre par la suite qui était intéressant. Je me souviens notamment, et ça je le raconte dans le livre, d'un jeune homme, ça devait être une semaine après mon retour en France, j'ai décidé d'aller au cinéma et je suis arrivée dans la salle dans le hall du cinéma, j'avais pas d'argent. Et je me suis dit, mince, mais c'est une catastrophe ce film, je voulais absolument le voir, c'est trop nul de juste pas pouvoir le voir parce que j'ai pas d'argent sur moi. Et j'avais encore un billet de $10 que j'avais pas changé dans mon sac. Et du coup, je suis ressortie et j'ai vu un garçon qui était assis sur les marches devant le cinéma. Donc je suis allée le voir, un petit peu timide, parce que je me suis dit, c'est une demande un peu incongrue quand même. Et je lui ai dit, je voudrais vraiment aller voir mon film, mais j'ai que $10, si vous voulez, je vous les donne. Et le garçon m'a même pas laissé finir ma phrase, il m'a donné un billet de 10 euros. Donc je suis allée courir acheter ma place de cinéma, toute contente, etc. Je ressors pour lui dire merci. Et je me suis dit, la seule manière de lui dire merci, c'est de lui offrir un petit quelque chose. Et en même temps, j'avais rien sur moi. Donc j'ai fouillé dans mon sac et j'ai trouvé un rudraksha, c'est une graine sacrée indienne, le dernier qui me restait de mon voyage. Et je me suis dit, bon bah voilà, ça va être mon cadeau de remerciement. Et je lui ai offert, je lui ai expliqué d'où ça venait, je lui ai expliqué la légende. Et là, il a ouvert des grands yeux émerveillés, lumineux. Et il m'a montré son bras. Et en fait, sur son bras, il y avait un om. Et donc le symbole hindou. Et en fait, ce garçon, il avait pour rêve depuis toujours de voyager en Inde. Et là, c'était le petit coup de pouce du destin. Moi, j'avais incarné la petite personne qui lui dirait « Eh, il est temps que tu y ailles !» Donc tout ça, voilà, tout ça, ça a été des petites... Il y a eu plein d'anecdotes comme ça qui ont fait que ça m'a aidé en fait à revenir en France avec mon expérience de l'Inde et à me dire bah, « Ça va être utile, pas seulement à moi, mais aussi aux autres. » Et ça va m'aider à accepter le retour. चूड़ियां बोले कंगना हाय मैं हो गया। J'aime bien cette histoire, cette petite légende que tu connais sûrement, celle du colibri. C'est la légende du colibri, donc un petit oiseau qui voit sa forêt qui brûle. L'oiseau, avec son petit bec, va prendre une goutte d'eau dans la rivière, la déposer sur les flammes et fait comme ça des allers-retours. T'as tous les animaux de la forêt qui l'observent et qui disent « Mais colibri, arrête quoi, tu vois bien que le feu va en train de complètement détruire notre habitat et c'est pas avec ton bec que tu vas réussir à changer quelque chose. » Le colibri les regarde et leur dit « Je sais, mais moi je fais ma part. » Et il continue à s'agiter. L'incendie aujourd'hui, quel est l'incendie que tu verrais et est-ce que tu aurais envie aussi d'y faire ta part et quelle serait-elle ? Alors, c'est une question assez vaste. L'incendie, je pense que on peut y voir plein de parallèles. On peut voir les situations géopolitiques qui sont de plus en plus compliquées de par le monde. Mais malgré tout, je pense que l'incendie, ça a toujours été les raisons qu'on trouve pour ne pas voyager, pour ne pas se réaliser et réaliser nos rêves. Que ce soit à travers le voyage ou pas, d'ailleurs. Là, j'ai pris le parallèle du voyage parce que c'est le mien de rêve. Mais je pense que d'autres personnes ont cette problématique aussi avec d'autres rêves. Et du coup, moi, ma petite part de colibri, ce serait justement de pousser les gens à trouver qui ils sont au plus profond d'eux-mêmes et à réaliser leurs rêves, quel que soit le contexte dans lequel ils évoluent, quelles que soient les raisons qu'ils pourraient s'inventer ou qu'ils pourraient trouver pour se mettre des barrières. Tout ça, ça n'existe pas en réalité, c'est nous qui créons notre propre monde. Et c'est ça mon idée, ma petite part de colibri, voilà, c'est ça, aider les gens à se réaliser. Et qu'est-ce qui fait que les gens ne se réalisent pas, selon toi ? Il peut y avoir beaucoup de choses. Je pense qu'il y a... Alors ça, c'est encore une fois mon avis personnel de petite Lucie de 23 ans, hein, mais je pense qu'il y a tout ce qui est attente des autres. En fait, il y a beaucoup d'amour derrière tout ça. Il y a les attentes de la famille, les attentes des conjoints, les attentes des enfants peut-être, qui font qu'on n'ose pas forcément toujours aller vers les voies qu'on aime en réalité, parce qu'on a beaucoup de pression, parce qu'on a envie de réaliser ce qu'il y a de mieux pour notre famille, etc. Donc ça va être une première raison. Après, je pense qu'il y a aussi le conditionnement de la société qui nous dit « Bon, bah, il faut que tu aies un travail et que tu vives correctement, que tu aies tant d'argent par mois pour pouvoir t'acheter telle et telle chose, etc. » Et ça, c'est un discours qu'on a tellement intégré que ça nous paraît naturel et qu'au final, on ne le remet pas forcément toujours en question. Donc je pense que c'est vraiment un travail de déconstruction, en fait, qu'il faut faire, de voilà, casser un peu toutes les connaissances qu'on a acquises et tous les systèmes dans lesquels on a évolué pour retrouver qui on est au fond de soi, et ensuite faire le travail d'adapter qui on est aux systèmes dans lesquels on évolue, mais pas l'inverse. Et qu'est-ce qui a fait que tu aies réussi à te libérer de tout ça ? Alors je sais pas si j'ai réussi à 100% à me libérer de tout ça, en tout cas j'ai essayé. C'est une question assez compliquée, c'est vrai que je me suis pas vraiment posé la question qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi à le faire. Je pense que ça s'est fait en cours de route aussi, pendant le voyage. Ça s'est fait, j'ai beaucoup d'amour au fond de moi, et c'est peut-être ça aussi, le fait d'être, voilà, d'ouvrir vraiment mon cœur aux gens et de me dire que finalement c'est quand on est heureux soi, qu'on arrive à apporter du bonheur aux autres et pas quand on se laisse embrigader entre guillemets par les attentes des autres. Donc l'humain au cœur de tes expériences de vie, finalement, cet amour dont tu parles, cette envie de comprendre les autres, peut-être d'avancer ensemble sur le chemin de la vie, peut-être d'arriver ensemble à y voir plus clair, à être plus en conscience, j'ai envie de dire, dans les choix de vie qu'on va faire. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire toi ? Quelle est la suite ? Alors la suite, il y a beaucoup de possibilités. Déjà, je vais continuer à écrire. Pas forcément toujours uniquement axé autour du voyage, mais même des fictions. En tout cas, toujours continuer à écrire et à échanger par le biais de l'écriture. Et puis du coup, bah, je fais aussi des études de journalisme et de criminologie en parallèle. Donc continuer à voyager avec ces outils-là et utiliser ces outils pour aller toujours à la rencontre des personnes et continuer à les comprendre et à les faire me comprendre moi aussi et à échanger, tout simplement. Une question que j'aime bien poser, c'est le voyage. Qu'est-ce que c'est que le voyage ? Comment est-ce que tu définirais ce terme ? Alors j'ai plusieurs citations déjà qui me viennent en tête. Entre autres, le seul voyage, le vrai et l'unique, c'est de changer de regard. Et ça, je trouve que c'est la plus pertinente. Pour moi, le voyage, c'est, voilà, comme je disais tout à l'heure, même un sage peut faire un voyage de chez lui à partir du moment où son mental l'emmène vers de nouveaux horizons. Donc ça va être casser ses repères, ça va être découvrir des personnes, découvrir de nouvelles émotions, de nouvelles manières de penser, c'est de l'adaptation en fait, c'est de l'adaptation permanente. Qu'on peut faire donc chez soi au coin de la rue. Ouais, tout à fait. En allant voir les gens, en allant... Par exemple, on va prendre une personne qui gravite uniquement dans un milieu social et qui, du jour au lendemain, se dit, bah, tiens, je vais aller rencontrer les sans-abri, admettons. Ça aussi, c'est un voyage en soi dans le sens où la personne petit à petit va comprendre comment les sans-abri fonctionnent, quel est leur état d'esprit, pourquoi ils ressentent telles émotions, pourquoi est-ce qu'ils réagissent de telle manière face à tels événements, etc. Et c'est, je pense, cette adaptation à l'autre et cette compréhension de nouveaux schémas mentaux qui constitue le vrai voyage, en fait. Donc s'intéresser à l'autre, s'intéresser à la vie des autres. Tout à fait, oui. Et qu'est-ce que c'est qu'un voyageur ? Alors le voyageur, je crois que c'est comme ça que je le dis d'ailleurs dans mon premier livre, c'est un explorateur de l'humanité pour moi. Donc toujours, voilà, toujours cette idée de l'humain finalement. Après, bien évidemment, il y a aussi les paysages, il y a aussi le fait, voilà, de partir seul et de se mettre plus ou moins en danger dans certaines circonstances pour découvrir ses propres ressources. Ça, c'est ça aussi qui fait partie du vrai grand voyage. Mais je pense que la base, ça reste quand même l'humain. L'humain est venu beaucoup dans cet échange qu'on a pu avoir et ça m'interpelle parce qu'aujourd'hui, tu parlais aussi des codes auxquels on doit faire face quand on est à l'école. C'est soit bon en classe, soit meilleur que ton voisin, trouve un bon métier, gagne bien ta vie. Tout est fait pour t'encourager à être dans ce système économique de développement. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es plus tourné vers le développement humain que le développement matériel ? Je vais peut-être répondre de manière un peu naïve, mais bon, je suis aussi un peu une enfant au fond de moi. Donc, quand j'étais petite, mon dessin animé préféré, c'était Tarzan, par exemple. Donc, je pense que j'ai juste continué à me nourrir des histoires des personnes qui vivaient de pas grand-chose et qui vivaient surtout de leur rencontre avec les autres. Et c'est ça qui a fait que j'ai gardé cette notion-là en moi au fil du temps. Après, malgré tout, je suis pas non plus 100% détachée des biens matériels. J'aime aussi avoir mon chez-moi, j'aime aussi avoir mes outils, etc. Mais c'est vrai que c'est l'humain qui prime pour moi et je pense que c'est à cause de tous ces rêves qui m'ont habité quand j'étais petite. Pour finir, on va revenir sur ton bouquin. Si tu devais me le raconter, qu'est-ce qu'on y trouve ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve l'histoire d'une toute jeune fille qui décide, voilà, de remettre en cause un petit peu ce qu'elle a vécu jusqu'à maintenant, de remettre en cause son éducation et ses valeurs fondamentales pour découvrir le monde et se découvrir elle-même à travers le voyage. Et qui du coup va décider de partir un peu au hasard en Inde pour quelques mois et qui va faire des rencontres vraiment extraordinaires qui vont la bouleverser et qui vont aussi la mener à travers une nouvelle perception du bonheur, parce qu'il y a beaucoup ça. Et qui va devoir rentrer en France et faire vivre son aventure aux gens autour d'elle et qui va essayer de transmettre ce bonheur et cette réalisation de ses rêves autour d'elle. Ah bah je vais finir avec le bonheur alors, c'est quoi le bonheur ? Ah, ça dépend de chacun. Le bonheur, je pense que c'est vraiment une notion totalement individuelle, mais c'est la réalisation de ses aspirations en fait. Et puis surtout beaucoup d'amour. Merci Lucie. Merci. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Thank you.